Conclusion. Au moment même où tous les convives du docteur se dirigeaient vers la salle à manger, un valet de chambre annonça « Madame la marquise de Miranda ». « La luxure !» dit tout bas le docteur à l'abbé. « Je craignais qu'elle ne nous manquât. » Puis, allant offrir son bras à Madeleine, plus belle, plus séduisante que jamais, le docteur lui dit en la conduisant dans la salle à manger « Je commence à désespérer de la bonne fortune que vous m'aviez promise, madame la marquise. Écoutez donc, à mon âge, le bonheur de vous revoir ici. Savez-vous que cela vaut presque un rendez-vous? Ah, si j'avais seulement 50 ans de moins! Je vous prendrai pour mon cavalier, mon cher docteur, dit la marquise en riant comme une folle. Ainsi, c'est convenu, nous avons été ensemble du dernier mieux il y a 50 ans. Nous n'entreprendrons pas d'énumérer les merveilles de la salle à manger du docteur. Nous nous bornerons à citer le menu de ce dîner, menu que chaque convive, grâce à une délicate prévoyance, trouva sur la serviette, entre 2 douzaines d'huîtres, l'une d'ostende, l'autre de marraine. Ce menu était écrit sur blanc vélin et encadré dans une petite bordure formée par des rameaux de feuilles d'argent ciselées et émaillées de verre. Chaque invité savait ainsi la somme d'appétit qu'il devait tenir en réserve pour tel ou tel mets de prédilection. Ajoutons seulement que la grandeur de la table et de la salle à manger était telle qu'au lieu de ces chaises incommodes et pressées qui vous forcent de manger, comme on dit, les coudes au corps, chaque convive, assis dans un large et excellent fauteuil, les pieds sur un moelleux tapis, avait toute la latitude nécessaire pour les évolutions de sa fourchette et de son couteau. Voici le menu que le chanoine, pris d'une main tremblante d'émotion, lut religieusement. Menu du dîner. 4 potages. Le potage à la Condé, la bisque d'écrevisse au blanc de volaille, le potage au couscoussou, le potage de santé au consommé, 4 relevés de poissons, la hure d'esturgeon à la Godard, les tronçons d'anguille à l'italienne, le saumon à la Chambord, le turbot à la hollandaise, 4 assiettes volantes, 2 croquettes à la royale, 2 bouchées au queue d'écrevisse, 2 laitances de carpe à la Orly, 2 petits pâtés à la reine, 4 grosses pièces, le quartier de sanglier mariné, la pièce de bœuf dépressalée à la cuillère, le quartier de veau à la mongla, le rosbif de quartier de mouton dépressalé. 16 entrées, les escalopes de chevreuil à l'espagnol, les filets d'agneau à la Toulouse, les aiguillettes de caneton à l'orange, le pain de levrault à la gelée, les papillotes de becfigue à la duxelle, le vol-au-vent à la nelle, la timbale de macaroni à la parisienne, le pâté chaud d'Ortolan, les filets de poularde du Mans en suprême, les bécasses à la financière, les croustades de caille au gratin, les côtelettes de lapro à la maréchale, les bâtelettes de riz de veau, les boudins de perdreau à la Richelieu, les caisses de foie gras à la provençale, les filets de pluvier à la lyonnaise. Intermède, ponche à la romaine. 4 pièces de roux, les faisans piqués et truffés, les gélinottes bardées, la dinde truffée du Périgord, le coq de bruyère. 16 entremets. Les cardons à la moelle, les fonds d'artichaut à la napolitaine, les champignons grillés, les truffes du Périgord au vin de Champagne, les truffes blanches du Piémont à l'huile vierge, le céleri à la française, le buisson de homard cuit au vin de Madère, le buisson de crevettes au carré de l'Inde, les laitues à l'essence de jambon, les pointes d'asperges en petits pois. 2 grosses pièces, la sultane à la crème rose, le temple de croque-en-bouche à la pistache, les marrons d'abricot glacés, la gelée d'ananas garnie de fruits, le fromage bavarois glacé aux framboises, la gelée de marasquin fouettée, la crème française au café noir, les bouchées de fraises. Après la lecture de ce menu, le chanoine, emporté par l'enthousiasme et oubliant, il faut l'avouer, les convenances, se leva, prit d'une main son couteau, de l'autre sa fourchette, et allongeant les bras, il dit d'une voix solennelle « Docteur, je mangerai de tout, je le jure !» Et le chanoine, en effet, mangea de tout, et il resta sur son appétit. Inutile de dire que les vins exquis, dont le chanoine avait déjà pu, par de nombreux spécimens, apprécier l'ambroisie, circulèrent à profusion. Au dessert, le docteur Gasterini se leva, tenant à la main un petit verre de vin de Constance frappé de glace, et dit « Mesdames, J'avais porté un toast infernal, un toast aussi diabolique que si nous banquetions ici joyeusement entre damnés au plus profond de la salle à manger du royaume de Satan. Oh, oh. Cher aimable docteur, dit-on tout d'une voix, quel est donc ce toast infernal ? Aux sept péchés capitaux, dit le docteur. Et maintenant, mesdames, permettez-moi de vous exposer la pensée qui m'inspire ce toast. J'ai promis à M. l'abbé Ledoux, qui a le bonheur d'être placé auprès de Mme la marquise de Miranda, j'ai promis, dis-je, à M. l'abbé Ledoux, homme d'esprit, d'expérience et de savoir, mais incrédule, de lui prouver par des faits, par des actes, l'excellence que peuvent avoir, dans certains cas et dans une certaine mesure, ses goûts, ses propensions, ses instincts, ses passions qu'on appelle les sept péchés capitaux. Tout le problème est de les régler sagement et d'en tirer le meilleur parti possible. Or, comme Madame la Duchesse de Saint-Terre-Maillefort, Madame Florence Michel et Madame la Marquise de Miranda veulent bien depuis longtemps m'honorer de leur amitié, comme Messieurs Richard, Yvon Cloarec et Henri David sont de mes plus anciens et meilleurs amis, j'ai espéré que, pour le triomphe des idées saines, mes aimables convives me feraient la grâce de m'aider à réhabiliter ces péchés capitaux que leurs excès, dus à l'absence de toute bonne direction, ont fait condamner absolument, et à convertir ce pauvre abbé à leur utilité possible. Il ne pêche que par ignorance et par obstination, c'est vrai, mais il n'en blasphème pas moins ces admirables moyens d'action, de bonheur et de richesse dont l'inépuisable munificence du Créateur a doué la créature. Or, comme rien n'est plus charmant qu'une causerie au dessert entre gens d'esprit, je supplie donc, dans l'intérêt de notre infortuné frère l'abbé Ledoux, je supplie donc les représentants de ces divers péchés de nous dire tout ce qu'ils leur doivent ou tout ce qu'ils leur ont dû de félicité pour eux ou pour autrui. » La proposition du docteur Gasterini, accueillie à l'unanimité, fut réalisée avec une bonne grâce parfaite et un joyeux entrain. Henri David seul, qui parla l'avant-dernier, intéressa vivement les convives en retraçant les prodiges de dévouement et de générosité que l'envie avait inspiré à Frédéric Bastien et fit couler quelques douces larmes en racontant la mort de ce noble enfant et celle de son angélique mère. Heureusement, le récit de la luxure termina le dîner et la sémillante marquise fit beaucoup rire la compagnie lorsque, parlant de son aventure avec l'archiduc, dont elle n'avait point partagé la flamme, elle dit qu'il était plus facile d'amener un légat à courir la mascarade en cavalier pandour que de faire comprendre à un archiduc autrichien que l'homme est né pour la liberté. Du reste, la marquise annonça qu'elle combinait un plan de campagne contre le vieux Radetzky et s'engagea formellement à le transformer en carbonaro et à faire de lui l'un des chefs de l'affranchissement de l'Italie. « Et cette neige, chère et belle marquise, lui dit tout bas le docteur après ce récit, cette armure de glace qui vous rend si méprisante au pauvre monde que vous incendiez, elle ne s'est donc point encore fondue à tant de feu ?»« Non, mon bon docteur, répondit tout bas la marquise avec un sourire légèrement mélancolique. Le souvenir de mon blond archange, mon idéal et unique amour, se conserve ainsi toujours frais et pur au fond de mon cœur comme une fleur sous la neige. « Et j'avais des remords ?» s'écria le chanoine dans le paroxysme des délices de la digestion. « J'étais assez mécréant pour avoir des remords à l'endroit de ma gourmandise. » Loin de laisser des remords, un excellent dîner donne au contraire, même aux cœurs les plus égoïstes, une singulière propension à la charité, reprit le docteur. Et si je ne craignais d'être frappé d'anathème par notre espiègle et cher abbé Ledoux, j'ajouterai qu'au point de vue de la charité, la gourmandise pourrait avoir les plus heureux résultats. Allons, soit, reprit l'abbé en haussant les épaules, tout en sirotant un petit verre d'exquise crème de cannelle de Madame Enfou, 1788. Vous nous avez déjà dit tant d'énormités, cher docteur, qu'une de plus ou de moins. Il s'agit non de chimère, non d'utopie, mais d'un fait palpable, pratique, réalisable demain, aujourd'hui. Reprit le docteur, d'un fait qui peut verser chaque jour dans les bureaux de bienfaisance de Paris des sommes considérables. Est-ce une énormité ? Parlez, cher docteur, dirent les convives tout d'une voix. Parlez, nous vous écoutons. Voici ce dont il s'agit, reprit le médecin, et je regrette que la pensée que j'ai eue ne me soit pas venu plus tôt. Il y a 3 jours, je me trouvais sur les boulevards vers les 6 heures du soir. Surpris par une horrible averse, je me réfugie dans un café chez un des restaurateurs les plus en vogue de Paris. Je ne dîne jamais hors de chez moi, mais pour me donner une contenance et satisfaire mes goûts d'observation, je me fais servir quelques mets auxquels je ne touche point, et en attendant la fin de la pluie, je m'amuse à observer les dîneurs. Il y aurait un livre et un curieux livre à écrire sur les nuances de mœurs, de caractère et de conditions sociales et autres qui se révèlent invinciblement à l'heure solennelle du dîner. Mais telle n'est pas la question. Je faisais seulement cette remarque, à savoir que tel dîneur, qui s'était attablé l'air indifférent, soucieux, rogue ou morose, semblait, à mesure qu'il dînait, et en raison du choix et de l'excellence des mets, céder à une sorte de béatitude, d'épanouissement intérieur qui se reflétait et rayonnait sur sa physionomie, miroir fidèle de son âme. Placé près de l'une des fenêtres de la maison, je suivais de l'œil mes dîneurs à la sortie du café. Au dehors se tenait un enfant hâve, déguenillé, tremblant sous cette froide pluie d'automne. Eh bien, mes amis, je le dis à la louange des gourmands, presque aucun de ceux qui avaient le mieux dîné ne refusa son aumône à la pauvre petite créature si frissonnante et affamée. Or, sans médire de mon prochain, je me demande si, à jeun, ces gens-là se seraient sentis aussi charitables. Et j'affirmerais presque que le pauvre petit mendiant avait, à leur entrée au cabaret, essuyé un dur refus de la plupart de ceux-là même qui, en sortant, se montraient libéraux pour lui. Ce païen ne va-t-il pas nous dire que la charité peut naître de la gourmandise ? S'écria l'abbé Ledoux. Il faudrait, pour vous répondre victorieusement, cher abbé, entrer dans une discussion physiologique au sujet de l'influence du physique sur le moral, reprit le docteur. Je vous dirai donc tout simplement ceci. Vous avez, n'est-ce pas, des troncs pour les pauvres à la porte de vos églises. Personne, plus que moi, n'affectionne et ne respecte la charité des fidèles qui déposent au parvis des lieux saints leur modeste ou riche offrande. Mais pourquoi ne pas en placer aussi dans ces brillants cafés où les heureux du jour viennent satisfaire leur goût raffiné? Pourquoi, dis-je, ne pas y placer un tronc du même genre, dans un endroit bien apparent, avec cette simple, hélas, et trop significative inscription « Pour ceux qui ont faim ?»« Le docteur a raison !» crièrent les convives. « L'idée est excellente. Tout grand établissement produirait chaque jour une belle recette. » « Et les petits établissements aussi ?» reprit le docteur. « Ah, croyez-moi, mes amis, celui qui a fait un modeste repas ressent, autant que l'opulent gastronome, cette sorte de compassion rétrospective qui naît d'un besoin ou d'un plaisir satisfait, lorsque l'on songe à ceux qui sont privés de la satisfaction de ce plaisir ou de ce besoin. Or donc, je me résume, si tous les propriétaires de restaurants et de cafés suivaient mon conseil, ils s'entendraient avec les membres des bureaux de bienfaisance et exposeraient, en un lieu apparent, leur tronc avec ces mots ou tel autre, pour ceux qui ont faim. J'en suis convaincu, soit charité, soit orgueil, soit respect humain, vous verriez pleuvoir dans ces troncs d'abondantes aumônes. Et puis enfin, l'homme le plus égoïste, qui a dépensé 1 louis ou plus à son dîner, éprouve malgré lui un ressentiment pénible et une sorte de déboire amer à l'aspect de ceux qui souffrent. Une généreuse aumône l'absoudrait à ses propres yeux, et au point de vue hygiénique, cher chanoine, ce petit acte de charité lui rendrait vraiment la digestion délicieuse. « Docteur, je m'avoue vaincu, » s'écria l'abbé Ledoux. « Je bois, sinon, aux 7 péchés capitaux en général, du moins en particulier à la gourmandise. » Ainsi s'achève la gourmandise, 7e des 7 péchés capitaux, d'Eugène Sue.